en Italie, en Pissolie, en Angleterre, en Pisperter. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Est-ce que t'as pas vu la bande? Est-ce que t'as pas vu la bande? Est-ce que t'as pas vu la bande? Elle est chestanche, elle est chestanche. Est-ce que t'as pas vu la bande? Est-ce que t'as pas vu la bande? Est-ce que t'as pas vu la bande? Elle est chestanche, elle est chestanche. Si tu veux pas que ta femme t'emmerde, te marie pas, te marie pas. Si tu veux pas que ta femme t'emmerde, te marie pas, elle t'emmerdera pas. Elle te fera cocu, elle te mettra des coups de poing dans ta gueule. Elle te fera cocu, elle te mettra des coups de pied dans ton cul. Si tu veux pas que ta femme t'emmerde, te marie pas, te marie pas. Si tu veux pas que ta femme t'emmerde, te marie pas, elle t'emmerdera pas, la carpentière. Fais-nous crédit, on te paiera tous un samedi. Si tu veux pas payer à boire, on va chôler dans ton comptoir. À la piqûre, tout le monde endure. Le plus vénard, c'est Copina. Qui rentre tôt, qui rentre tard, il a toujours son verre pinard. Ose la poissonnière, elle écorche les raies, ohé, ohé. Elle vendait si cher que personne n'en voulait, ohé, ohé. Et Rose, tout nu, et Rose, à poil, et Rosalie, c'est ma bonne amie. Et Rose, et Rose, et Rosalie, c'est ma bonne amie. Nous habitons pas au premier, mais au sixième. Il y fait froid, il y fait chaud, à toutes les saisons on s'aime. Tout près du feu, on vit heureux. Le ménage, c'est un ménage d'amoureux. Pas au premier, mais au sixième étage. Comme elle est belle, comme elle est belle, comme elle est belle la bande. Comme elle est belle, comme elle est belle, comme elle est belle la bande. Zom, zom, zom. Mon père, il est soldat, il est chasseur à cheval, et moi je m'en fiche pas mal. Zop, zop, zop. Mon père, il est soldat, il est chasseur à cheval, et moi je me fais pas de bile. Elle a perdu son pantalon, sa chemise et sa combinaison.